God. J'ai trop de cœur ou je suis trop naïf, mais je suis le seul responsable de ce qui m'arrive. J'ai tout misé sur la musique, après des années je me demande ce qui m'a pris. Le grand écran c'est pas ce qui m'attire, non. Moi qui avais tant de choses à dire, hein. Vérité tu sais ce qui m'attriste, on était ensemble, maintenant chacun est dans sa matrice. Et j'ai vu l'orgueil jouer les nourrices, le béton est armé même si t'es calibré. On connaît la ruse et toutes ses coulisses, y'a pas que les SDF qui peuvent être habités. La rue peut te faire défaut malgré tes qualités, t'as pas idée à quel point l'homme est un canidé. Je préfère rester tout seul, je veux pas de leur charité. À croire que les cœurs sont des animés, on se comporte comme des animaux. À croire que les cœurs sont des animés, on se comporte comme des animaux. À croire que les cœurs sont des animés, on se comporte comme des animaux. À croire que les cœurs sont des animés, on se comporte comme des animaux. Traumatisé depuis je suis ma thérapie. Flic à quitter, rien ne change, pays raciste. Selon les statistiques, vaut mieux pédophiler que vendre du shit. Bienvenue à vous l'étranger, prière de ne pas déranger. Le système va t'étrangler, nous tout ce qu'on rêvait c'était juste rentrer entier. Bang bang, matraque le peuple ça devient la Russie. Bang bang, lève la musique que les frères hallucinent. Fils dans l'illicite et mère à l'usine, non. Le bâtiment pleure des larmes de ciment. Que les cœurs sont des animés, on se comporte comme des animaux. À croire que les cœurs sont des animés, on se comporte comme des animaux. À croire que les cœurs sont des animés, on se comporte comme des animaux. À croire que les cœurs sont des animés, on se comporte comme des animaux. À croire que les cœurs sont des animés, on se comporte comme des animaux.